l'influence de votre prénom. Tout le monde en a un, comme disait Sylvie Mario. On va, pour en apprendre un peu plus sur les prénoms, on va inviter un conférencier que la majorité d'entre vous connaissent déjà, Daniel Kemp, qui est un conférencier qui a fait déjà plus de 500 conférences, toutes différentes les unes des autres. C'est ce qui les rend, je dirais, aussi spécial. Il y a des facultés de nous apprendre des choses nouvelles. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter Daniel Kemp. Monsieur Kemp ou Daniel? Daniel. Daniel. Monsieur Kemp, c'est ma famille. Daniel, c'est ton prénom? C'est le prénom qu'on a donné à mon corps physique quand ils l'ont préparé. Tu m'as donné un prénom à ton corps physique, dans quel but? Ah ben, sans doute que mes parents ne voulaient pas le mélanger avec les corps physiques qui étaient pour naître après, puis ceux qui étaient déjà venus au monde avant, mes frères et sœurs. Donc, le prénom servait à distinguer Daniel au sein d'une famille qui s'appelait Kemp. C'est ça. Tu disais que ce prénom a été donné à ton corps physique. Ça sous-entend que ton corps physique, c'est pas juste ce qui te compose. Il y a d'autres choses qui te composent. Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, ça c'est évident que je ne suis pas un corps physique, que je l'habite très temporairement. Et c'est les choses font en sorte qu'à travers l'évolution de ce corps physique ou à travers la possession que je fais d'un corps par rapport à un autre, c'est-à-dire au fur et à mesure de ce que l'humain appelle le vieillissement, alors que le corps ne vieillit pas réellement, mais l'humain possède un corps différent. Au fur et à mesure de l'évolution ou du déplacement de sa vie à travers le temps, et il y a d'autres constituants de l'homme, comme de moi, comme de la femme évidemment, qui sont absolument attachés au corps physique, sont absolument tributaires du corps physique, sont absolument limités ou aidés par le corps physique, et qui ne portent pas le prénom ou le nom que l'on donne au corps à la naissance. Et ce qui va arriver, c'est que, habituellement, les différents constituants de l'homme vont essayer, vont tout faire pour arriver à s'identifier au prénom ou au nom qu'on a donné au corps physique. Quels sont ces constituants? Bon, les constituants, c'est le corps astral, c'est-à-dire ce que l'humain appelle bien souvent la psychologie. La psychologie, c'est la relation entre les désirs, entre les mémoires et entre le passé, entre ce qui, génétiquement ou réincarnationnellement, constitue ce qu'on va appeler l'âme. Il y a aussi le mental, dans la majorité des individus qui habitent le contexte nord de cette planète, c'est-à-dire l'hémisphère nord. La majorité ont aussi un plan mental qui est de plus en plus distinct du plan astral, donc du plan de la psychologie, de l'émotion, de la mémoire. Et pour certains individus, il y a aussi une autre forme d'énergie qui a tendance à s'exprimer chez eux par le biais d'un ajusteur de pensée. Et c'est ce que nous appelons au Québec l'énergie supramentale ou encore ce que j'appelle moi l'intelligence instantanée ou l'intelligence active. Quel but avait-on pour donner un nom? Pourquoi donnait-on un nom aux personnes, sinon pour les distinguer, à savoir que, bon, ça c'est un verre, ça c'est une carafe. On aurait pu appeler les enfants des enfants. Quand il y allait être des adultes, on aurait pu t'appeler le jeune, le moyen, le plus vieux dans la famille. Le plus pourquoi beau. On donnait, le plus beau, hein? Pas dans ton cas, mais pourquoi on donnait... Ça n'est pas des goûts. Pourquoi on donnait un prénom? Bon... Le prénom est uniquement pour différencier les gens d'une même famille. Le nom de famille était, à l'origine, a été instauré dans le but d'empêcher les mélanges consanguins. Alors, normalement, une personne qui s'appelait Kem ne devait pas avoir des enfants avec une autre personne qui s'appelait Kem. Ça facilitait les choses. On remonte quand même assez loin dans l'Antiquité. Et un peu avant, ce qu'on avait, c'était Daniel, fils de machin, fils de ou fille de, etc., etc., ce qui nous permettait d'avoir un meilleur contrôle sur les mélanges génétiques pour empêcher les mariages, enfin, à l'époque, on se mariait ou non, mais les mélanges génétiques consanguins, ce qui rend lentement la race de plus en plus imbécile. Alors, on a donné des noms et des prénoms dans le but de paramétrer les mélanges génétiques. Maintenant, ce sont les prêtres, les premiers, qui ont perçu ou qui ont enseigné au peuple le paramétrage des mélanges consanguins de façon à rendre illégal ou de façon aussi à assujettir les êtres humains à des divinités pour que celles-ci puissent contrôler plus facilement la psychologie ou la conscience évolutive ou involutive, dépendant des époques, de l'humain. Maintenant, le prénom est apparu beaucoup plus tard. Le prénom est apparu lorsqu'il y a eu suffisamment de conscience ancestrale d'intégrer dans les religions. C'est-à-dire que, premièrement, le culte va commencer à partir de la mémoire des ancêtres, on appelle cela le culte des ancêtres, et pour faire en sorte qu'un ancêtre puisse ne pas être oublié, on va baptiser un enfant qui vient au monde du nom d'un ancêtre. Inconsciemment, ce qu'on ne sait pas, c'est que, à l'origine, on inventait des noms en fonction de ce qui s'était passé dans l'événement autour de la naissance. Alors, on pouvait appeler « lever du soleil » lorsqu'il n'y a pas de nuages. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on va te baptiser, on va te donner un nom qui fait référence à un ancêtre, une personne décédée, un chef, un sorcier, une personne autoritaire qui manque à la tribu, qui manque au peuple. Et inconsciemment, on ne sait pas qu'on est présentement manipulé par la mécanicité égrégorienne du monde de la mort, c'est-à-dire qu'on est manipulé par ses ancêtres, ses mémoires ancestrales qui cohabitent toujours à travers l'homme, à travers cette race, ce peuple ou cette tribu. Et finalement, le nom qu'on te donne, le nom qu'on donne à l'enfant, c'est un nom qui va permettre à cette mémoire de se réincarner dans le corps physique de cet enfant. On dit que ça lui trace le chemin. C'est un guide? Non, ce n'est pas un guide, c'est plutôt un carcan. Ah bon? Oui, ça rend l'être humain esclave, ça ne le guide pas. Un guide, dans le sens guide, va suggérer. La majorité des guides, dans le sens carcan, vont imposer. Alors, l'enfant qui arrive va avoir un prénom particulier, et il devra, d'ailleurs les adultes, tout son entourage va tout faire, s'il porte un prénom, vont tout faire pour que cet enfant devienne ou ressemble de plus en plus, on va dire, soit digne du prénom qu'on lui a donné. Mais pour être digne du prénom qu'on lui a donné, il devra être celui à qui appartenait le prénom avant. Alors, à travers l'évolution des races, à travers l'évolution des humanités sur cette planète, il y a eu de plus en plus de copies du même prénom. Et à un moment donné, on a 10 000, 20 000, 1 million d'humains qui vont porter des prénoms similaires, sinon exactement le même prénom. Cela fait en sorte que les individus, si deux individus portent le nom de Daniel parce qu'il y a eu un prophète qui s'est appelé Daniel et on a décidé de rendre hommage à ce prophète, eh bien les deux Daniels qui naissent, homme ou femme, à l'origine Daniel est exclusivement réservé aux hommes, c'est émancipé les femmes un peu avant ce qu'on pense, et les deux Daniel qui vont naître vont partager la réincarnation du prophète Daniel, et cela va se faire mélanger avec des réincarnations des deux parents, donc des deux lignées familiales, finalement des quatre lignées familiales s'il y a deux enfants de deux familles différentes qui portent le nom de Daniel, et cela colore la réincarnation du prophète. Par la suite, 2000 ans après, on va encore appeler des gens Daniel, mais il y en aura de plus en plus. Cela va faire en sorte que les Daniel vont devoir réincarner tous les Daniel précédents qui ont vécu avant, et évidemment la coloration du prophète Daniel. Alors, Daniel est donc prédestiné, prédisposé par son prénom. Son corps physique le prédispose déjà à vivre une certaine forme de vie. Son système endocrinien va l'obliger à vivre ou à exprimer différentes formes d'émotions. Son cerveau, légué par la génétique familiale, va l'obliger à comprendre ou à ne pas comprendre certaines choses. Et l'assujettissement à un prénom, Daniel, va aussi, du point de vue grégorien, du point de vue vibratoire, obliger, canaliser lentement ce qui reste de la réincarnation de Daniel dans l'enfant, à renaître, à reprendre dessus, et finalement à obliger l'individu à s'assujettir, un peu comme l'astrologie va le faire, à des caractéristiques des Daniel. Ça veut dire que les parents devraient choisir un prénom pour leurs enfants qui est un prénom à succès, si je peux dire. Ben, tu peux le dire. Je peux le dire? Oui. Les parents ne devraient jamais donner un nom double à leurs enfants. Pierre-Paul, c'est deux assujettissements psychologiques à deux canaux réincarnationnels, à deux phénomènes réincarnationnels différents. Cela peut donner chez l'enfant des problématiques qui vont l'amener jusqu'à avoir un dédoublement de personnalité, mais il peut avoir un dédoublement relativement faible, c'est-à-dire qu'il sera souvent indécis, il sera souvent perturbé entre lui et l'autre. Deuxièmement, les parents ne devraient jamais donner de nom tant qu'ils n'ont pas vu l'enfant. Donc, on ne donne pas un nom avant de voir l'enfant, parce qu'on devra vibrer au corps physique pour savoir qui, finalement, se réincarne dedans, même si, consciemment, l'humain ne le sait pas. Et troisièmement, si on veut faire mieux, on devrait toujours donner un nom qui n'a jamais été donné. Un nom neuf? Un nom neuf. À ce moment-là, il n'y aura pas de réincarnation dans cet enfant-là? Il va y avoir des réincarnations, sauf que la matrice, le corps physique, la matrice de l'enfant reste beaucoup plus asservie par le nom. Elle reste beaucoup plus libre de digérer les réincarnations et cela va donner un enfant qui sera plus évolutif, donc plus évolutionnaire, pour le simple fait qu'il ne sera pas obligé de s'imposer face à un moule, le nom, qui va vouloir le posséder pour permettre la meilleure restructuration de la réincarnation ou des réincarnations qui ont été reliées à ce nom-là. Si en créant un nouveau nom à l'aide de deux anciens noms. Comme tantôt, tu disais, un nom composé, c'est pas nécessairement bon. Si le fait que les deux ensemble deviennent un nouveau nom, qui n'a jamais été... dans l'exemple de Pierre-Paul, imaginons que c'est la première fois que quelqu'un s'appelle Pierre-Paul. Est-ce que là, ça ne devient pas un nouveau moule? Si c'est P-I-E-R-P-O-L, Pierre-Paul, si c'est P-I-E-R-P-A-U-L, Pierre-Paul, oui. Si c'est P-I-E-R-R-E-P-A-U-L, c'est la jonction de deux entités réincarnationnelles, donc de deux noms. Est-ce que c'est dans l'écriture, dans la forme de l'écriture ou dans la forme verbale? Dans la forme de l'écriture, l'écriture va engendrer la lecture mentale ou astrale, psychologique du nom. Donc, si on l'écrit P-I-E-R-P-O-L, quand on va le prononcer, on prononcera Pierre-Paul. P-I-E-R-P-O-L. On ne prononcera pas P-I-E-R-R-E-P-A-U-L. Alors, c'est comme prononcer le mot Carole ou Carole. Il y a une différence si l'enfant l'écrit K-A-R-O-L que s'il l'écrit C-A-R-O-L. Et si on change à un moment donné son prénom dans le lettrage, quand on le prononce dans le début, on doit visualiser comment on l'écrit pour avoir un nom neuf. C'est donc par rapport à cette image-là que les réincarnations vont se faire, par rapport à l'image qu'on se fait de la forme écrite du prénom. Oui. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est qu'en tant qu'adulte, l'influence de notre prénom est autre, tout autre, que si on serait un nouveau-né. Par exemple, tu t'appelles Charles, changer ton nom actuellement ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'âge où tu as, tout ce qui avait à être digéré, tout ce qui avait à être moulé, formé, est maintenant accompli. Donc, il est trop tard, c'est pas en changeant de nom. Il n'est pas trop tard, ça ne sert plus à rien. Moi, j'appelle ça, il est trop tard. Oui, ça, c'est un point de vue émotif, mais ça, il n'est pas trop tard. Ça change rien. Non. Donc, il n'y a pas de résultat à espérer de changement de personnalité si on change de prénom à mon âge, à 21 ans. 21 ans de plus que prévu, OK. Non, l'adulte n'est pas influencé par son prénom comme l'est l'enfant. Jusqu'à date, en conférence, on a souvent parlé de l'influence du prénom chez l'enfant, de l'influence du prénom aussi un peu au niveau de l'égrégore de l'adulte, mais ce soir, ça me tentait d'apprendre des choses. Alors, on va parler d'autres choses. Bon. Donc, quelle est la différence entre l'influence du prénom chez l'enfant et chez l'adulte? Pourquoi nous, on n'a pas d'influence ou... Il n'y aurait pas de changement. Il y a une influence, mais il n'y aurait pas de changement si on changeait de nom. Voilà. Pourquoi? Parce que le moule que tu es présentement est Charles. C'est alors, fini. Si je t'appelle Jacques, ça va être assez compliqué pour beaucoup de personnes de te retrouver. Okay. Il y a quelques personnes qui ont des noms doubles. Eux ont toujours intérêt à éliminer un des deux noms ou à fusionner leur nom double, quel que soit leur âge. Alors, Jean-Marc, il peut s'appeler Jean, il peut s'appeler Marc, mais c'est un ou l'autre. Bon, on a déjà vu aussi dans les conférences antérieures que dans la religion catholique romaine, on baptisait tous les mâles Joseph. Par la suite, on leur donnait un nom d'apôtre ou de prophète. Et finalement, leur prénom, usuel, et leur nom de famille. Et les femmes étaient baptisées Marie, encore deux prénoms et leur nom de famille. Et on a vu que si on baptisait un être humain Isaac, il fallait qu'il soit juif. Et qu'on a vu aussi que si le pape, qu'un être humain qui devenait pape se faisait rebaptiser. Et on a vu qu'un chrétien qui devenait témoin de Jéhovah commençait par le baptême. S'il devenait mormon, on le baptisait. S'il devenait Krishna, on le baptisait. On changeait le nom. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'être humain est relié par un canal réincarnationnel à un égrégore, c'est-à-dire à une religion, à une divinité particulière dans le monde de la mort. Et que ces divinités, cette partie de divinité se nourrissent des énergies motives des humains. Et qu'il n'est pas question, un Dieu n'acceptera jamais qu'un chrétien s'appelle Isaac, parce qu'Isaac étant un canal réincarnationnel juif, toute l'énergie motive qui va être exprimée par Isaac va nourrir le Dieu juif, qui peut être Jéhovah. Qui peut être dépendant, si on parle de témoin de Jéhovah, dépendant comment on prononce le nom, ça peut être Yahvé. Chaque nom de divinité est un égrégore différent. Alors, c'est pourquoi l'être humain est confiné à se rebaptiser, s'il change de divinité ou de mécanicité évolutive. Si on se rend donc compte que la chrétienté a tout fait pour que l'humain n'échappe pas à l'égrégore catholique romain, en obligeant tous les mâles à porter le nom de Joseph ou les femelles à porter le nom de Marie, après ça, mettez le nom que vous voudrez, mais si possible, un nom catholique. Il y a déjà une identification. Non, il y a un assujettissement total de la conscience astrale, de la conscience psychologique évolutive de l'individu aux égrégores. Donc, si tu meurs, tu vas dans le ciel de ce Dieu. Si tu es Isaac ou Jacob, tu vas dans le ciel d'un Dieu juif. Si tu es Brita, tu vas dans le ciel d'un Dieu qui sera beaucoup plus hindou. Si tu es Daniel, tu iras dans le ciel d'un Dieu catholique. Donc, il y a une influence majeure en ce sens que l'être humain qui est rendu à une certaine forme de son évolution, comme toi présentement, tu n'exprimes plus dans ton évolution biologique la génétique réincarnationnelle de tes parents. C'est accompli. À partir de la finalité de l'adolescence, l'être humain n'exprime plus la réincarnation de ses parents. On a déjà vu que l'être humain, que le parent se réincarnait de son vivant dans leurs enfants. Mais après l'adolescence, ce n'est plus le cas. Il y a des réincarnations 24 heures sur 24 qui se font dans la conscience astrale de l'homme. Et cela se fait toute la vie de l'humain. C'est pourquoi l'humain, à un moment donné, se réveille et ne se reconnaît plus. Il se réveille et il est de bonne humeur. Une demi-heure après, il est totalement atterré. Il vient de recevoir un mécanisme réincarnationnel. Quelqu'un de sa famille, peut-être, qui est décédé. Quelqu'un de sa famille qui perd un peu sa conscience et c'est lui qui la ramasse. Ou simplement des mécanismes réincarnationnels qui, reconnaissant le corps physique, prennent un plaisir fou à s'incarner dedans. Mais après un certain âge, ça ne serait plus des réincarnations du même prénom. Non. Ça serait de la lignée familiale. C'est de la lignée familiale ou encore des mémoires astrales, des mémoires du monde de la mort, qui sont en affinité avec ce que ton corps physique permet comme expression. Bon. C'est pourquoi une personne, après 20 ans, découvre qu'elle a un talent de peintre. Ben, elle vient de réincarner des mémoires de peintre. C'est pour ça que maintenant, elle a un talent de peintre. Alors, elle ne dit pas, tiens, j'avais un talent caché. Non. Elle aurait beau essayer de peindre avant, ça n'aurait pas fonctionné. Elle n'était pas un peintre. Aujourd'hui, le prénom est tout ce qui... Le prénom représente, et le prénom, lorsqu'on nomme un prénom, on s'adresse exclusivement à tout ce qui permet la stagnation évolutive chez l'homme et, bien souvent, à tout ce qui permet l'involution de la conscience chez l'homme. Et c'est quoi? C'est tout ce qui s'est réincarné. C'est tout ce qui devra être digéré. Donc, tout ce qui se réincarne. C'est toute la mémoire événementielle qui se digère au fur et à mesure de l'évolution ou du déplacement du corps physique et de la conscience de l'homme à travers le temps. On parle de vieillissement, de l'expérience, de l'expérientiation. C'est le corps physique. C'est une grande partie du corps vital qui entretient la vie et qui supporte les mémoires. C'est toutes les mémoires expérientielles et réincarnationnelles qui t'habitent. C'est tous les désirs qui te constituent. Et c'est toutes les émotions qui sont exprimées. Autrement dit, présentement, lorsque nous parlons d'un prénom, lorsque je t'appelle Charles, je m'adresse à tout ce qui est animal humain, du corps physique aller aux plus hautes sphères de ta conscience spirituelle. Mais je ne m'adresse pas à ce qui est intelligent chez toi. Donc, l'intelligence qui est en moi ne s'appelle pas Charles? Non. Ça s'appelle comment? Elle ne s'appelle pas, toujours rendue. Ah. C'est l'instantané. Mais ça ne se définit pas. Il n'y a pas de nom qu'on attache à ça. Non. On peut en rattacher si ça nous plaît. On va rattacher ça à des mémoires astrales. Mais le prénom, actuellement, c'est évident que le nom de famille fait référence aux lignées familiales. Bon. On a déjà vu que dans des milieux peu éduqués, peu évolués, les gens s'appellent toujours par leur nom de famille. Alors, on a des usines où ça va être, Bourgette, viens ici, puis Bonneau, t'as-tu vu? Bon. On est collectif, puis on s'adresse toujours, non pas à un individu, mais à une gang inconsciemment. Si on monte de niveau de classe, au niveau de l'emploi, au niveau de la vie familiale, ou etc., et c'est pas long qu'on va employer Monsieur Bonneau, Monsieur Bourgette, là, ou Madame, là, on met une classe. On se vient de sortir de la masse populaire pour entrer dans la masse plus aristocratique. On individualise le collectivisme. Plus distingué encore, on va lentement y aller. Si on est des collègues de travail, on va s'appeler par nos prénoms. Alors là, on reconnaît la puissance de l'individu. Ce n'est plus la famille. Je m'adresse à une personne en particulier qui peut s'appeler Charles ou Pierre, etc. Et si on va encore plus loin dans la structure évolutionnaire ascendante de l'homme, donc de la femme et de l'enfant, on en arrivera à un point où on ne nommera plus. Il n'y aura plus de prénoms, il n'y aura plus de noms. Présentement, notre prénom a une influence marquante dans la vie de l'adulte ou de celui qui vient de terminer son adolescence parce que le prénom confine, oblige totalement l'intelligence soit à s'éliminer, à s'éloigner de toute la structure canalisée par le prénom ou elle oblige l'intelligence à devenir inintelligente, à s'obscurcir, à s'abrutir pour pouvoir être inclus dans l'identification très limité qu'est le prénom. Comment dire, le prénom serait l'ensemble de toutes nos mémoires, etc. L'histoire, la vie de Charles est confinée dans le mot Charles, dans le nom Charles. Quand je parle de Charles, je parle d'un mort. Il n'y a rien de vivant dans Charles. Il n'y a rien d'intelligent dans Charles, il y a juste de la mémoire. Charles, ce n'est que de la mémoire. Lorsque je prononce le mot Charles, de toute façon, je m'adresse qu'à de la mémoire. Parce que Charles, pour moi, est ce que je connais de Charles. Si je dis Charles, ce n'est pas en regardant la forme d'un individu que je vais vibrer une prononciation orale, un nom, et je vais le donner. Non, c'est que je sais. tout ce qui chez moi te représente, donc ce qui est mémoriel, je l'appelle Charles. Tu m'appelles au téléphone, je reconnais ta voix parce que je l'ai à l'intérieur de moi, donc je confine cela et je dis « Allô Charles ». Si ça fait 20 ans que tu m'as volé, je te rends compte, je vais dire « Ah oui Charles, je le connais Charles, c'est un maudit voleur ». Charles, c'est ce qui n'est pas évolutif, c'est la mort. Et c'est pourquoi seul Charles peut mourir. Charles est un être mortel. Et celui qui s'appelle Charles, ou Daniel, ou Lucie, ou qui on voudra, se représente qui? Quand je dis, moi, tous les Charles sont des imbéciles. Tous les égaux des Charles peuvent se sentir visés. Bref, tous les Charles vont se sentir visés. Sauf celui qui dormait. Bon. Et quand une personne s'identifie à son prénom, son nom, mais son prénom surtout, elle ne s'identifie qu'à ce qu'on a voulu qu'elle devienne. À l'enveloppe. Pas elle. Au résultat de sa vie. Alors, elle peut poser la question, qui suis-je, moi, Daniel? C'est fait. Daniel, je suis celui qui fait le ménage. Je suis le serviteur de ma mère ou de mon employeur. Je suis celui qui est colérique. Tu es tout le passé. Mais tu ne peux pas dire, je suis Daniel et je suis du neuf. Pas avec un nom qui est du vieux. Mais quel mécanisme fait en sorte qu'on rattache le prénom à toute cette histoire-là? Pourquoi on serait pas capable de dire Daniel avec du nouveau, sortir du nouveau, puis oublier qu'il y aurait un Daniel ancien, un Daniel nouveau à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui sortent de Daniel? Oui. La problématique, c'est comme vouloir mettre des pneus neufs après son automobile et de décider qu'elle est flambant neuve. Mes pneus sont des 89, donc mon char est 89. Vois-tu, c'est qu'il y a de la mémoire chez l'humain, qu'on appelle l'âme. À l'intérieur de l'âme va se focaliser et se cristalliser à un moment donné une identification suprême de l'expérience qui va devenir l'ego, le je, le moi. Et le je et le moi, lui, va être densifié par des prononciations particulières, c'est-à-dire qu'il y aura l'expérience intra-âmique qu'on va appeler l'émotion, qui va cristalliser les expériences extérieures, donc les expériences de la vie, l'événement extérieur, et il y aura aussi la prononciation, c'est-à-dire le confinement. Il y a deux bébés qui viennent au monde, et chaque fois que je m'adresse à un bébé, je dis « Pierre ». Quand je regarde l'autre, je dis « Lucie ». Et chaque fois que je veux nourrir Pierre, « Allô, Pierre, comment ça va, Pierre ?» Bon, ben, veux, veux pas, tout ce qui rentre comme expérience rentre avec la vibration du Pierre. Je parle à Lucie, tout ce qui rentre avec la vibration rentre avec la vibration Lucie. Donc, lentement, je vais parvenir, grâce à l'émotion et au prénom, à cimenter l'expérience dans l'âme pour engendrer un ego qui aura une forme très particulière, une forme qui sera, si on transforme la forme en photographie, et si la photographie dans un ordinateur serait retransformée en onde électrique, et l'onde électrique transformée en onde sonore, eh bien, ça va sortir Lucie. C'est la forme. La photographie ondoformique de l'ego va, vibratoirement, sonorement parlant, être... transmissible sous une vibration particulière qui va être Lucie. Mais, dépendant de l'ego, à l'âge adulte, ça peut être Lucie. Parce qu'elle a toujours été écrasée. Ça peut être Lucie! Elle se cherche, puis on l'a toujours cherchée, on la reconnaissait pas à travers les autres. Il y aura une formation particulière. C'est pourquoi, lorsqu'on a un enfant, on doit prononcer son prénom convenablement, jamais donner de surnom. Parce que là il ne sait plus où se planter. Lentement, on engendre deux égos chez lui. Et dans cette mécanique, lorsque l'être humain arrive à l'état d'adulte, tout ce qu'il a constitué, tout ce qu'il a obligé à être ce qu'il est actuellement, mais pas son intelligence, l'intelligence arrive après. Tout cela est supporté par une vibration, donc porte un nom qui va être Pierre ou Lucie. Lorsque maintenant Lucie va dire « Je suis autre chose que Lucie morte. Je suis la nouvelle Lucie. » Mais toute la mémoire en dedans, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que c'est Lucie. Alors, le mort, il dit, tiens, je suis neuf. C'est tout. Mais il n'y a pas plus de neuf là-dedans. Alors, tant que l'être humain se dit, bon, maintenant, Daniel, tu dois changer. Travaille bien, bien, bien, bien mal. Parce qu'il y a toujours une petite partie de Daniel, un petit concept dans l'ego de changement, qui se nourrit de l'espoir de changer. Puis, mais ça ne change rien, mais c'est intéressant. Mais si tu te donnais un nom neuf? On ne peut pas se donner un nom neuf. Honnêtement, cosmiquement, on ne peut pas se donner un nom neuf. Tu ne t'es pas donné ton prénom. Tu ne te donneras pas non plus ton nom neuf. Mais pourquoi c'est pas nous, à l'âge adulte, qui choisissons notre prénom, comme on choisit à un certain moment un parti politique ou une religion? Pourquoi on peut pas décider de notre prénom? Premièrement, on ne choisit pas un parti politique ou une religion. L'être humain n'a aucun libre arbitre, il ne choisit absolument rien. Il est totalement manipulé de A à Z, même de A à A. Bon, c'est la première chose. L'être humain se rend compte qu'il est péquiste ou qu'il est libéral ou qu'il est Union nationale pour ceux qui sont bien en arrière. Bon. Ils sont morts, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Il y en a, des fois, ils se réveillent encore, puis ils sont Union nationale. Bon, c'est ça. L'être humain n'a aucun libre arbitre, alors il ne choisit rien. Maintenant, la conscience qui s'éveille chez l'humain. C'est évident que le prénom est opérationnel. Le prénom influence énormément l'humain toute sa vie. Sauf que le prénom cesse d'être uniquement l'identification d'un être à l'instant où de la conscience neuve, donc de la conscience au-delà du mental, de la conscience supramentale, de l'intelligence active, une intelligence qui n'est pas reliée aux mémoires de l'âme, aux mémoires de l'ego. Parce qu'il y a de l'intelligence passive, celui qui ne peut pas résoudre un problème de mathématiques parce qu'il n'a pas appris ce genre de mathématiques, est manipulé, est limité par de l'intelligence passive. Une intelligence qui dépend des mémoires, qui dépend de l'expérience et qui dépend de la faculté qu'a l'homme, la femme, l'enfant, de se rappeler. Il y a l'intelligence active qui, elle, n'est pas tributaire des mémoires de l'homme. Donc, tu peux savoir une chose par l'intelligence active, même si tu ne l'as jamais appris. L'intelligence passive, elle est limitée aux mémoires, à l'expérience de l'homme. Lorsque l'être humain a accès à cette intelligence active, à ce savoir instantané, ce n'est pas inné, tu ne l'as pas à la naissance ou avant la naissance. Avant la naissance, on est juste plus ignorant que présentement. Puis quand on meurt, on est stable à ce que nous sommes. Dans le monde de la mort, on n'en sait pas plus. Quand un être humain fait référence à un voyant, à un médium ou à un revenant ou à une entité du monde de la mort qui vient lui dire « Ah, ben achète telle action à la bourse. » Non, dans le monde de la mort, ça en sait moins que dans le monde de la vie. Alors, on ne peut pas se fier. Lorsque l'intelligence neuve, l'intelligence supramentale ou l'énergie supramentale, ou appelons ça comme on voudra, lorsque, disons, les épaules de Dieu commencent à venir jouer dans les neurones de l'homme, parce qu'habituellement, ce sont les pieds de Dieu qui jouent dans les neurones de l'homme. Ça pue, puis ça nous envoie promener un peu partout, ça répond jamais à nos questions, puis ça nous dit que ça nous aime, puis alors que ça nous laisse naître handicapés, ça laisse les êtres humains mourir partout sur la planète Terre, ça, c'est les pieds de l'homme, ça, avec des ongles incarnés. Bon, ça s'incarne dans l'homme. L'homme souffre. Lorsque les épaules de ce que l'humain peut appeler les divinités commence à venir jouer dans les neurones de l'homme, lorsque l'intelligence supramentale, ce qu'on appelait antiquement dans les vieilles religions l'Esprit-Saint, lorsque ça commence à venir jouer dans les neurones de l'homme, de la femme et de l'enfant, cela n'a pas de capacité mémorielle, c'est une capacité instantanée. Donc, cette intelligence traverse le système neuronique de l'homme, crée une mutation dans le système neuronique de l'homme, crée une mutation dans le système endocrinien de l'homme, de la femme et de l'enfant, crée une mutation corporelle que moi j'appelle la cellularisation. Donc, ça crée une évolution qui est premièrement transmissible génétiquement et qui, deuxièmement, reste admis, reste acquis chez l'humain, même s'il ne pratique pas des choses. Alors, il y en a qui pratiquent le yoga et qui deviennent en paix, mais ils doivent pratiquer toute leur vie parce que lorsqu'ils cessent de pratiquer le yoga, la paix s'en va avec. Parce que la paix appartient au yoga et non pas à l'humain. Il n'a pas cellularisé la paix. L'intelligence supramentale, elle vient premièrement rendre plus malheureux l'humain. Elle lui ouvre astralement, donc psychologiquement ou encore égoïquement des portes à travers son prénom. Elle le manipule par son prénom, par ses clés. Et elle ouvre des paupières nouvelles. Elle élimine des voiles, de brume en avant des yeux psychologiques de l'humain. Et l'humain devient de plus en plus un être qui souffre. Parce qu'il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre, il n'a pas le système endocrinien pour supporter la connaissance ou du savoir. Et il n'a pas non plus le système neuronique pour arriver à agencer un savoir neuf ou du moins une connaissance neuve, une explication raisonnablement ajustée à l'ego et au mental, mais provenant du neuf. Il n'a pas encore le système neuronique pour le faire. Alors, tout ce qu'il peut faire, c'est poser des questions neuves, avoir des constatations de la misère, que l'amour n'existe pas tel qu'on la conçoit sur le plan planétaire, ou enfin que cet amour-là est un amour absolument haineux. Et lentement, il souffre, et cela l'accule à devenir écœuré, d'être écœuré. Là naît où va se développer un contact neuf entre la conscience astrale de l'homme, la conscience psychologique ou amique de l'homme, le virus planétaire qui manipule le corps physique. Il va se développer une relation neuve entre cette conscience et l'intelligence supramentale, là où il n'y a pas de nom. Et cette relation va se faire par le biais d'une mécanique qui va désassujettir progressivement l'âme du manipulateur suprême qu'on appelle Dieu, à travers une hiérarchie qui peut être une hiérarchie archangélique, angélique, une hiérarchie encore de saints, de prophètes, puisqu'il y en a qui se vouent plus à la Vierge Marie, d'autres c'est plus à Marie de l'Incarnation, d'autres c'est Marie de la Guadeloupe, l'autre c'est Marie de Fatima, Notre-Dame de Fatima, D'autres, ça sera Saint-Pierre, ça sera, etc., Saint-Joseph. Bon. L'intelligence va lentement engendrer un contact. C'est-à-dire que dans le système neuronique de l'homme, il y a des parties du cerveau qui ne servent à peu près pas pour l'instant, qui vont commencer à être réveillées, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à vivre des dépolarisations, à être énergisés. Et lentement, il y aura une mutation, c'est-à-dire une transformation des contacts axoniques entre ces neurones. Cela va engendrer une énergification, c'est-à-dire qu'il y aura une construction à partir d'une énergisation nouvelle. Il y aura construction d'une partie cérébrale qui va maintenant permettre de filtrer la coloration astrale. J'explique un peu plus. Quand le prénom, quand Daniel, tout ce qui est astralisé, tout ce qui est ce que les parents ont voulu que ce soit, Daniel, tu ne dois pas faire ça. Daniel, félicitations d'avoir fait ceci. Daniel, tu devrais regretter d'avoir fait ça. Daniel, j'espère que tu es fier de réussir. Bon. Tout le Daniel est finalement un amalgame de plasticine qu'on a façonné selon, et chacun, tout l'extérieur, il a donné son coup de poing. Bon. Alors, les parents l'ont tapoché en masse. Quand il est sorti dehors, ben, c'est sa gang d'amis qui l'ont retapoché un peu. Les professeurs ont tapoché dedans un peu. La société a tapoché dedans un peu. Les religions, la culpabilité, tout ça a tapoché dedans. Finalement, c'est le Daniel d'aujourd'hui. Sauf que moi, il y a un grand coup de poing qui descend souvent. C'est l'intelligence. Ça l'aplatit un peu. Ça le rend plus stable. Pas parce que la vision, l'œil, voit la rose. Il transforme la vision photonique, lumineuse, en impulsion électrique, l'œil, en impulsion bioélectrique, et il l'amène dans une région du cerveau qui est importante à connaître, qui s'appelle le thalamus. Le thalamus, il y a un problème dans le thalamus, c'est que l'astral, l'âme, la psychologie, elle est totalement le maître contrôleur du thalamus de l'homme et de l'hypothalamus de l'homme. Tous les sens qui amènent de l'information à l'ego, à l'astral, à l'âme, et présentement, l'âme ne connaît le monde qu'à partir de ses sens, une grande lacune chez lui. Tu lui fermes les yeux, tu lui dis « marche droit dans le corridor », il ne pourra pas faire autrement que rentrer dans le mur. Il marchait droit, il ne connaît pas ça. Bon. Pourquoi? Parce que s'il réussit à marcher droit, il va devoir accepter du neuf. Sans ses yeux, il peut marcher droit. Et pour un âme, pour un Daniel, un mort, c'est extrêmement pénible que de découvrir du neuf. Alors, il rentre dans le mur, c'est plus facile. Ou bien il va l'ouvrir un peu, ou bien il va te servir de sa main, il va aller se chercher un autre sens. Ce Daniel-là, lorsqu'il voit la rose, il va dire « ah, est brisé. Ah, et ceci et cela. » Il la juge. Il la qualifie. Oui. La jugeant, il la tue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre une relation instantanée entre lui et la rose, entre le percepteur et la perception. Pourquoi? Parce que l'œil amène l'information dans le thalamus avant de l'amener dans le cortex. Là où va siéger une partie du mental, et là où lentement pourra prendre naissance une conscience nouvelle, conscience qui deviendra lentement supramentale. Est-ce que le qualificatif que tu donnes à la rose ne serait pas comme le prénom que tu donnes à l'humain? C'est la même chose. Tu la tues. Exact. Il y aura donc de l'intelligence qui ne porte pas de nom et qui ne s'appelle pas Daniel, Pierre, Martin, etc., qui va lentement amener une coloration dans la pensée. Une rectification, ça sera un rectificateur de pensée. C'est-à-dire que là, il y aura la vision oculaire. Amenée au thalamus, il y aura contact avec l'âme. L'âme va immédiatement prendre l'information, fouiller dans toutes les mémoires expérientielles, les mémoires volatiles qui la constituent, ou même l'ego, pour reconnaître la chose. Quand c'est reconnu à partir d'un prototype. C'est reconnu à partir de ce que Daniel a appris d'aimer, comment aimer les roses. À partir de comment Daniel a appris à voir le monde. Comment Daniel a appris à aimer les bonnes choses. Et à haïr les autres. Et il va immédiatement envoyer au cortex cérébral le reste de l'information. Tiens, une rose LED. Et là, le mental qui, lui, peut solutionner la problématique de la misère de l'homme individuel ou collectif sur le plan planétaire, a maintenant accès à une information colorée, une rose LED, ou une rose brisée. Mais il n'a pas accès à un événement pur, une rose. Et comment faire en sorte pour que le mental ait accès à l'événement pur? Alors, on va donc commencer à s'immiscer à travers la coloration de du thalamus une impulsion neuve, un rectificateur de pensée qui s'appelle souvent ajusteur de pensée, qui va ajuster la conscience astralisée de l'homme, qui va rectifier sa vision, et il va dire une rose... Point final. Ça va finir là. Ce qui commence maintenant à naître chez l'homme par le biais de l'ajusteur de pensée ou du rectificateur de pensée est la conscience neuve, ce que le Nazaréen appelait l'Esprit Saint. C'est un esprit pur, non coloré par l'homme, par Daniel, par Pierre, par Mathusalem, par machin chouette. Bon. Lorsque l'être humain a maintenant accès inconsciemment dans le début, parce que l'astral, l'ego a toujours accès inconscient à n'importe quoi, il est mort. Il doit expérimenter dans le passé pour savoir que c'est là. Il ne peut pas l'expérimenter dans l'instantané. Alors, lorsqu'il se fait rectifier au niveau de sa pensée, il commence à avoir des chocs. C'est-à-dire qu'il commence à se rendre compte qu'il n'est plus le même. Bon. Alors, Daniel ne se reconnaît plus. Il ne se reconnaît plus parce qu'il n'est pas Daniel. La chose neuve qui vient de germer chez lui, qui était là latent depuis longtemps, maintenant qu'il commence à naître, à s'épanouir, ça ne porte pas le nom ou le prénom que l'on connaît. Alors maintenant, il va commencer à y avoir un problème. Chaque fois qu'on va m'appeler par mon prénom, on va me forcer à exclure de chez moi ma conscience neuve. Parce qu'elle ne fait pas partie du groupe qui est représenté par ton prénom. Exact. Alors, mon ajusteur de pensée, mon rectificateur de pensée, ma conscience supramentale ne fait pas partie de mon prénom. Et lorsqu'on dit « Daniel, viens ici », je dois continuellement faire un travail parce que on ne m'appelle pas au complet. C'est comme si on dirait « Hey, toi, amène tout sauf ta tête. » Alors, tout reste ou tout y va. Mais si tout y va et que pour y aller, tout doit s'imaginer que la tête fait partie des épaules, donc j'ai pas de tête. C'est comme si je devrais faire en sorte que mon intelligence abaisse au niveau de mon prénom pour y aller. Et celui qui va me recevoir va me recevoir comme j'étais. Et lui va dire, mais non, je te connais comme que t'es. Mais là, il t'impose un anti-changement. Il te connaît comme tu étais. Alors, l'influence du prénom dans l'évolution de l'homme, même dans l'évolution psychologique ou supramentale de l'homme, elle est extrêmement importante à connaître. Pour la simple raison que lorsque l'on vous appelle et que vous êtes en train d'évoluer, de vous conscientiser vers un facteur neuf, c'est-à-dire que vous ne voyez plus le monde comme on vous a forcé à le voir. Vous ne voyez pas le monde comme vous lisez comment le voir. Mais subitement, vous voyez le monde comme vous voyez le monde, vous, neuf. Ça peut être une fois par année qu'on a un petit éclatement de nouveauté. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par heure. Une fois par heure, on est rendu tout le temps, là. Donc, c'est pas important qu'on s'appelle Nicole ou Béatrice. L'important, ça serait qu'on n'ait pas de prénom. L'important, c'est qu'on s'appelle plus. Mais comment tu fais pour communiquer quand tu n'as pas de prénom? C'est facile. Mais c'est sûr que si c'est l'ego qui veut communiquer, il faut un prénom. Parce que l'ego qui communique a besoin absolument d'avoir un prénom. Premièrement, ce qu'on doit bien saisir, c'est qu'il y a une partie chez l'homme qui ne s'appelle pas, qui ne se nomme pas parce qu'elle est instantanée. Tu ne peux donc pas lui donner un prénom, ni un nom. Cette partie-là est celle qui va ajuster la coloration ou qui va rectifier la pensée perceptive de l'homme. Cela va faire en sorte que l'humain va vivre de nouveau. Il chiale constamment lorsqu'on le bouscule dans le métro, et puis une journée, puis on le bouscule, et l'ego ne peut faire autrement que de constater que là, il n'est pas frustré. Il y a un rectificateur de pensée, un ajusteur de pensée, qui maintenant est suffisamment croissant chez lui au niveau neuronique, il y a donc une mutation cérébrale, qui l'oblige, du point de vue du thalamus, à envoyer au cortex une information différente que ce que normalement il leur envoyait. Alors, ne voyant pas, ne percevant pas le monde comme il le perçoit tout le temps, c'est-à-dire ne percevant pas le monde comme Daniel le perçoit, il dit « Crime, j'ai changé ». Mais est-ce que là, Daniel, ça change pas ça. Est-ce que là, Daniel n'informe pas justement son moule qui a été rempli d'un changement, puis il ne pourrait pas remouler ou reformer son... C'est la problématique. C'est pourquoi Daniel ne devrait jamais dire « Tiens, j'ai changé ». Daniel devrait dire « Ah, ça croît chez moi. Ça se développe chez moi. Je suis de plus en plus ajusté ou rectifié. » Mais on dit « Je suis de plus en plus ajusté ». Oui, Daniel, « Je suis de plus en plus ajusté ». Mais par mon ajusteur de pensée, par mon cerveau qui colore ou décolore la perception. Mais je ne peux pas dire, tiens, j'évolue, je n'évolue pas partout. Je reste le même con, la preuve, la journée où je suis trop fatigué, l'ajusteur de pensée n'a pas assez d'énergie pour rectifier, eh bien, si on bouscule, ben là, je crie comme d'habitude. Daniel n'a pas changé. Mais Daniel est plus ajusté. Son cerveau, maintenant, a un visiteur qui est maintenant neuf. Un visiteur qui commence à rectifier sa vision. Lorsqu'il voit un apocalypse à la télévision, lorsqu'il voit un film d'horreur, lorsqu'il perçoit n'importe quoi, il ne réagit pas comme il aurait réagi. Parce qu'il est maintenant investi d'un rectificateur de pensée, un ajusteur de pensée, qui fait en sorte de permettre à une nouvelle forme de conscience de naître, de germer dans son système neuronique. Cette nouvelle forme de conscience va se cellulariser, donc elle va se codifier au niveau de l'ADN des cellules, et elle va transformer le système endocrinien, qui est la voie totale de l'expression de l'âme, le problème de l'homme. Si l'homme n'aurait pas d'âme avec seulement d'intelligence, il n'y aurait aucun problème. Si l'homme n'a pas d'âme sans intelligence, il est un animal. Alors l'homme a une âme, l'âme lui fait désirer des choses, l'âme le précipite un peu partout, l'âme l'entre dans des guerres, l'âme la société à des divinités, à des dieux, aux pieds ou aux genoux des dieux, et l'âme, à un moment donné, devient le pire problème, la pire force d'involution de la conscience nouvelle, de la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant, et il y a maintenant un rectificateur de pensée qui commence à venir désassujettir la conscience ou le corps physique de l'homme de cette âme, qui commence à étrangler le canal réincarnationnel pour que de moins en moins il y ait de manipulation par le monde de la mort, qui commence à rectifier les perceptions astrales ou émotives ou psychologiques que le corps physique et que l'âme a de l'extérieur pour désassujettir de plus en plus l'âme des perceptions coloratives de l'extérieur, pour libérer de plus en plus une partie cérébrale, de façon à ce que le mental de l'homme, l'intellect dans le début, le mental de l'homme, finisse par avoir accès à de plus en plus d'informations non colorées, d'informations événementielles pures, pour lui permettre d'avoir une logistique d'expression et d'efficacité de plus en plus convenable, pour faire en sorte que de l'animal humain devienne un être humain. Et lentement, la conscience supramentale va continuer à cellulariser des mutations dans la conscience de l'homme, et l'homme va abandonner de plus en plus son prénom, plus l'être humain va s'en égoïser, plus l'être humain va vivre la dissolution de son ego dans la création d'un double éthérique qui va lui permettre de devenir immortel, on pourrait y revenir, plus l'être humain va s'en égoïser, plus il va perdre ce prénom, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire « Daniel, t'es un maudit chien !» Et moi, je me promène sur la rue, et puis ça n'a rien fait. On ne m'a pas appelé. On n'a pas prononcé le mot Daniel comme le reste du Daniel le vibre. Daniel, le Daniel qui reste, n'est plus suffisamment manipulé par les perceptions extérieures. Alors, vu son balance, ça ne peut pas être un chien. C'est un être humain. Donc, si on dit Daniel, t'es un maudit chien, on parle d'un chien. Il y a un chien qui s'appelle Daniel, ça ne regarde pas le bonhomme. Alors, lui, ça ne le touche pas émotivement. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de réaction à contrôler. Bon. Et lentement, le personnage, quand tu vas finir par l'appeler Daniel, il ne te répondra plus. Si on avait juste dit « t'es un mot de chien » dans le même exemple, sans prénommer Daniel, quelle aurait été la différence? Ben, ça aurait fait la même impression dans la psychologie de Daniel que si tu aurais dit « le mur est sale » ou « les nuages passent ». Donc, pour toucher Daniel, sa corde sensible, il faut le prénommer. Il aurait fallu le prénommer avec ce qui reste du mot « Daniel ». Et possiblement que seule une voix mentale pourrait le faire, puis une voix mentale n'aura pas d'intentionnalité astralisée, colorée, dans le sens « t'es un chien », etc. Autrement dit, il n'est plus touchable par l'humain, par l'animal humain habituel, il n'est plus touchable du tout. Celui qui serait un être humain normal, je dirais. Un animal humain. Bon, qui n'aurait pas eu ses contacts supramentaux que tu as eu la chance non, d'avoir. Non, il a ses contacts, mais sauf que l'ego ne les a pas encore conscientisés. Il n'a pas développé autant. Bon, développé. Bon, quelqu'un de plus manipulable, de plus normal, de plus ordinaire, voilà. Pas de plus ordinaire, là. C'est là que tu t'en vas, tu croches. De plus manipulable. De plus manipulable, qui se ferait appeler Benoît. Si tu lui dis « t'es un mot de chien » ou tu dis « Benoît, t'es un mot de chien », celui-là, tu vas le toucher plus en disant « Benoît » ou en disant « pas Benoît ». En disant « Benoît ». Sauf que si tu fais d'une salle, tu rentres « t'es un mot du chien », il va le croire un peu. Mais si tu dis « Benoît, t'es un mot du chien », il va le croire. Puis si tu dis « Benoît Marcotte, t'es un mot du chien », il va le croire sûr. Il va le croire à un point tel qu'il va y avoir une lutte dans son ego. On lui amène de l'information neuve avec le prénom, mais tu le plantes carrément, il est fait. Et là, il devra lutter maintenant pour se convaincre que c'est faux. C'est-à-dire qu'il devra digérer l'information. Et la seule façon de le digérer pour un ego, c'est parce que l'ego, c'est comme, je le dis souvent, un personnage qui ne peut pas se connaître. C'est comme l'œil qui voit, mais qui ne se voit pas. Pour se connaître, il doit s'exprimer et vivre un retour de l'onde de forme, un onde de retour, qu'il pourra connaître. Alors, la seule façon pour Benoît de se convaincre qu'il n'est pas un idiot, ça va être de se défendre. Alors, il va dire à l'autre, « T'es bien plus imbécile que moi. » Puis comme au niveau astral, l'intelligence ou le résultat est simplement une question de comparaison, « Es-tu bon ou mauvais? » Bien, tu regardes les autres. « Ils sont tous plus bas, t'es bon. Ils sont tous plus hauts, t'es mauvais. » Donc, tu vas dire à l'autre, « Benoît, t'es idiot? » Benoît dit à l'autre, « T'es plus idiot que moi. » Ah, bien là, Benoît est moins idiot que l'autre. Ma mère est plus grosse que la tienne. Mon père est dans la police provinciale, il va t'arrêter. Mon père est dans la police municipale, il va te torturer. Bon, là, tu t'amuses d'un bord puis de l'autre. Mais si Benoît commençait à avoir un contact avec son ajusteur de pensée, comment devrait-il réagir pour contrecarrer ça? Pas Benoît. son ajusteur de pensée lui amène une information. Comment bon. L'être humain, qui est en train de devenir Benoît, doit réagir? Benoît va se retourner, va dire, c'est toi qui es le cave. Puis en dedans, ça va dire, c'est vrai. C'est un maudit cave de répondre à ça. C'est toi qui es le cave, puis le rectificateur de pensée, l'ajusteur de pensée, va le rectifier, puis en même temps, tu vas dire, c'est toi qui es le cave, puis en dedans, ça va être, c'est vrai, t'es le cave. L'ego, Benoît, va savoir que perte de temps, perte d'énergie, manipulation, assujettissement à des conneries, le rectificateur, l'ajusteur de pensée va donc le corriger. Maintenant, ce qui arrive, c'est que donc on voit l'influence du prénom chez lui-même, il faut qu'on fasse un petit retour là-dessus. Le prénom, c'est sa paramètre, tout ce qui a été attribué au contexte planétaire pendant la phase d'effusion de l'énergie. La phase d'effusion de l'énergie est la phase par laquelle on vit une expansion explosive massive et une densification à travers l'éloignement dans le temps et dans l'espace de l'énergie effusée. On résume dans le Big Bang, dans un phénomène créationnel. Le prénom est la mémoire, l'enveloppe, l'étui dans lequel peut s'accumuler une quantité particulière d'énergie. Cette énergie sera accumulée selon une forme particulière, c'est-à-dire que dans un automobile, il y a différentes formes d'énergie. Il y a des énergies qui seront une énergie métallique, et c'est une énergie, elle soutient l'automobile. Il y a une énergie qui est caoutchouteuse. Il y a une énergie qui va être cinétique, une énergie qui va être le pétrole, il y a une énergie qui va être la batterie, l'accumulateur plutôt, et évidemment le courant électrique. Ce sont tous des formes d'énergie différentes, plus l'énergie humaine pour conduire l'automobile. Ce sont tous des formes d'énergie différentes, et là on va dire, on a maintenant l'automobile en ordre de marche. Mais s'il n'y a pas d'énergie sous forme de pétrole, d'énergie sous forme d'électricité, d'énergie sous forme de métal, d'énergie sous forme de mouvement, soit le va-et-vient du piston, le tour du vilebrequin, etc. S'il n'y a pas cette accumulation d'énergie, il n'y a pas d'automobile, on ne peut pas parler d'un automobile en ordre de marche. Alors, dans le prénom, dans l'homme, dans l'animal humain plutôt, il y a donc un réceptacle total qui va porter un prénom. Et à un moment donné, on va inventer un nouveau nom, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la forme, on va grandir le récipient pour que s'accumule de plus en plus de mémoires du passé, en réalité des mémoires du présent, qui s'accumulent chez l'homme sous forme de mémoire. Alors, ce sont des vibrations événementielles actuelles qui vont s'accumuler sous forme de vibrations événementielles non actuelles, donc mémorielles, dans l'homme. Alors, il y a ce prénom qui va évoluer au cours des millions d'années d'évolution, et pendant des grandes, grandes strates de l'évolution des humanités, le prénom restera le même, comme Daniel ne s'en est pas changé. Un peu dans la prononciation, Isaac non plus, etc. C'est un prénom encore plus âgé. Alors, il y a cette forme, ce prénom. Ce prénom, premièrement, va permettre l'accumulation d'énergie particulière. Dans le prénom automobile, on devra mettre un conducteur, on devra mettre des banquettes, on devra mettre des portières, on devra mettre des vitres, on devra mettre un accumulateur, on devra mettre soit un distributeur, soit des pointes, soit un allumage électronique, on devra mettre des bougies, on devra mettre différentes choses. Ça rentre dans l'automobile. Dans étillon à réaction et rendre d'autres formes d'énergie. Alors, dans le prénom, on a accumulé le corps physique. On a accumulé des énergies particulières. Et on a fini par structurer un ego, une âme, en permettant à un prénom particulier, Jéhovah, Dieu, Krishna, Manitou, etc. C'est un autre Dieu, ça, etc. Bon. Alors, on a permis de prendre des parties de l'énergie de cette divinité-là et de les induire, de les inclure dans le corps physique de l'âme en lui donnant des prénoms particuliers. Le prénom, c'est l'accumulation de toute la structure inhérente à un contexte refroidi d'évolution. Le prénom désigne et est l'enveloppe, l'étui, la boîte qui contient tout ce qui est de base nécessaire pour que l'intelligence puisse devenir le maître de la matière, sans devenir de la matière. Le prénom cumule tout ce qui sert à bloquer l'involution d'une mécanicité extraterrestre. Le prénom, c'est l'accumulation énergétique du point de vue physique. Tu reconnais un corps physique et tu donnes un prénom. Du point de vue vital, tu reconnais, un tel, quand il vient, bien, il nous pepe tout. Tu reconnais, c'est aussi le récipiendaire ou le récipient de toute la structure astrale, donc mémorielle, Pierre le sait. Émotive, dis-y pas ça, il va te sauter en face. Et désir ioniel, les désirs, si on y en parle, il va embarquer. Il n'y embarquera pas. Alors, c'est encore le même récipient, toujours le même Pierre, le même prénom. Et lentement, la structure mentale aussi. Pierre aura une structure, une logifération mentale très particulière selon sa génétique corporelle et selon les mutations que son corps physique aura vécues. Tout cela, c'est Pierre. C'est le prénom. Mais le prénom est la botte dans laquelle est venu se poser le pied. Tout ça, c'est le prénom. Lorsque l'être humain continue à se défendre à partir de son prénom, lorsque l'être humain continue à réagir au prénom, à être influencé donc par le prénom, il est l'animal humain. C'est pas un être humain, c'est un animal humain. Lorsque tu dis à quelqu'un, lorsque tu peux manipuler quelqu'un par son prénom, tu manipules tout son passé. Alors, tu dis à quelqu'un, oh, « S'il vous plaît, Jules, aide-moi donc. » Dans le passé, tout ce qui se réincarne dans ce bonhomme-là a appris à être altruiste. Il a appris, parce que Jules, c'est quand même un nom judéo-chrétien, même s'il a été coloré par la suite, il vient des conquêtes. Alors, si je dis Jules, après ça, je rajoute les phrases clés. « S'il vous plaît, en réalité, que ça te plaise ou non, fais-le. S'il vous plaît, c'est ce que ça veut dire. » Quand tu dis « S'il vous plaît », il ne peut plus y échapper. Bon, c'est pas « S'il vous plaît ». C'est quelqu'un qui dit « Ben, ça me plaît pas. » « Oh, je t'ai demandé ça, ben poliment, là. Ouais. » Bon, on laisse ça là-dessus, mais il y a des conneries. « Jules, s'il vous plaît, aide-moi donc. » Alors, si le Jules, selon sa constitution, ça peut être « Richard, aide-moi. » Parce que Richard, il t'aidera pas si tu dis « Aide-moi donc. » Là, il s'est entêté, il t'aide pas, lui. Alors, si tu prends le prénom, tu mets les énergies qui sont en conformité avec le prénom, tu manipules totalement l'individu, c'est-à-dire l'animal humain. Il a été éduqué, battu, instruit, on lui a coupé la tête, on l'a fouetté, on l'a massacré, on l'a brûlé, on l'a mis dans prison, il a fait les galères. Parce qu'il ne servait pas comme il faut les rois. Et comment on peut s'en détacher de cette influence-là qui est néfaste? On ne doit plus s'appeler Jules. On ne doit plus s'appeler Daniel. On doit se rencontrer, se parler, se dire bonjour, puis on se prénomme pas, on se parle. Non. Bon. De temps en temps, je faisais des conférences et je devais restreindre ce que je disais. Pourquoi? Parce que certaines personnes me disaient, crime, oui, mais c'est dangereux ce que tu dis là. Imagine-toi, tu dis, par exemple, que telle chose est dangereuse. Prenons les prénoms. On ne devrait plus s'appeler. Mais là, les gens, ils vont vouloir changer le prénom, puis là, ils vont se casser la gueule. Puis imagine-toi, le bonhomme est venu, la bonne femme n'est pas venue, et vice-versa. Rentre à la maison, je ne veux plus que tu m'appelles Daniel, je t'appelle comment? Appelle-moi plus. Bon. Mais ça va créer un paquet de problèmes, c'est dangereux, on ne doit pas dire ça. Mais finalement, à force de rien dire, on fait des conférences où on va, puis là, où est-ce que les gens peuvent aller chercher, ben là, on y va pas. Mais c'est comme si on dit, fumer, c'est mauvais pour la santé. Crime, dis pas ça. Il y en a qui vont vouloir arrêter de fumer. Il y en a qui vont engraisser parce qu'ils veulent arrêter de fumer. Il y a des compagnies qui vont fermer. Il y en a qui vont devenir colériques, violents à cause que tu as dit que la cigarette, c'est dangereux. Il y en a peut-être qui vont se suicider parce qu'ils ont voulu arrêter de fumer. Ah oui, ben merde. Bon, ben, fumons, puis continuons à être poire, puis faisons plus rien. Le gras, c'est-tu bon pour la santé? T'en manges-tu? Oh, oui, j'en mange. Ah, c'est bon pour la santé. Le gras, c'est-tu bon pour la santé? T'en manges-tu? Non, c'est pas bon pour la santé. Mais finalement, ça ne vaut même plus la peine d'être là. Ça ne vaut même plus la peine d'avoir une intelligence, ni pour communiquer, ni pour comprendre. Alors, effectivement, on devrait cesser de s'appeler. Complètement. On oublie notre prénom. On n'oublie pas notre prénom, on ne peut pas l'oublier, notre prénom. Si tu oublies ton prénom, tu oublies ton ego. Si tu oublies ton ego, tu es totalement divin. Comme ça, c'est réglé. Là, on va dire Daniel, tu vas dire oui. Pas toi, je parlais. Pas de problème. Marc, oui. Pas toi, je parlais. Pas de problème. TQ, oui. Ça toi, je parlais. Pas de problème. T'en fous. Sauf qu'à l'instant où l'humain, parce que là, je dis des choses, ça ne se fera pas comme ça. L'humain ne pourra pas rentrer chez lui à soir et puis ne plus être Daniel. Ne plus être Pierre, Lucie, Marguerite. Parce que même s'il y a une conscience neuve, une conscience supramentale, une conscience nouvelle qui germe dans la conscience de l'âme, au-dessus de la conscience astralisée, qui ne porte pas de nom, pourquoi? Parce que ce n'est pas... Se nommer, c'est être collectif. Alors, on a besoin de se séparer parce qu'on se sait collectivisé. Mais la conscience supramentale, totalement individuelle chez chaque individu, est libre, autonome. Elle ne peut pas être paramétrée par un prénom parce qu'elle change tellement rapidement qu'il n'y a rien à faire. En plus, la conscience supramentale n'est pas tributaire des formes de la phase d'évolution de l'homme que ceux qui n'y comprennent pas encore assez appellent chute de l'homme. La conscience supramentale ne fait pas partie de la chute de l'homme, elle fait partie de la chute de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne peut pas porter de nom humain, de nom planétaire, de nom terrien. Ce n'est pas terrien. Ça provient de l'extraterrestrialité de notre monde, ça ne provient pas de l'expérience historique de notre monde. Et nous sommes constitués du point de vue de l'animal humain, que de l'expérience historique de notre monde. Alors, lorsque l'être humain ne doit plus s'appeler, premièrement, je ne sais pas que je ne dois pas dire Charles. Je ne dois plus être Daniel. Alors l'humain va dire, qui dois-je être? Personne. T'es mort. Tu viens de perdre. Tu n'es plus Daniel. Alors, il n'y a pas qui suis-je. C'est encore Daniel qui pose la question. Je ne suis plus Daniel, alors qui suis-je? Daniel a besoin, la forme astrale, le contenant, la mémoire, le passé, a besoin d'être historiquement reconnu chez toi, sinon il est personne. Et être personne veut dire être libre. Mais l'ego ne peut pas être libre, parce qu'un ego libre devient un dieu. Et l'ego qui devient un dieu n'est plus un ego. L'homme qui devient un dieu n'est plus un homme. Et l'ego, pour lui, cela est mourir. Il ne veut pas mourir. Alors il va dire, bon, je ne suis plus Daniel, mais qui suis-je? Suis-je Luke Skywalker? Ou son père? Ou son père. C'est bien. Ou son oncle, c'est mieux. Je ne suis plus rien. Et la conscience neuve chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, supporte très bien, mais mieux l'idée de ne plus être rien. Je ne peux plus dire, Charles, t'es bon. Non. Tu viens de verser de l'eau, je ne dis pas merci. Un corps physique a pris un corps physique et a versé une matière physique dans un corps physique. Il y a un cave qui dit merci à un cave. Premièrement, si tu as versé de l'eau, c'est que tu étais manipulé à verser de l'eau. Donc, je n'ai pas à te remercier. Te dire merci, c'est de flatter ton ego en nourrissant l'illusion qu'il a un libre arbitre. Il n'y en a pas. Et en plus, moi, je m'assujettis à être médiocre. Celui qui se libère de son prénom, il s'assoit dans sa chaise et là, maintenant, il pose des questions, il regarde le monde et il ne le regarde pas avec les yeux qu'on a voulu lui donner. Ce n'est pas Daniel qui présentement regarde le monde, c'est un observateur qui regarde des choses à observer. Et à travers ce genre de vécu mental ou supramental, à un moment donné, il n'y aura même pas d'observateur pour voir des choses à observer. Sais-tu qu'est-ce que c'est qu'être un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui marche dans la rue et qui ne marche pas dans la rue. C'est quelqu'un qui traverse la rue et qui ne traverse pas la rue. C'est quelqu'un qui traverse au milieu de trafic et qui ne conscientise pas le trafic. Et c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va faire un bond de côté pour éviter une automobile et qui n'aura jamais ni fait de bond de côté ni vu d'automobile. C'est ça, un homme nouveau. C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un? C'est personne. C'est ça. Mais tout le monde est ce personne. Tout le monde est ce quelqu'un. La seule chose qu'il y a, c'est que l'ego, le contenant de mort, l'histoire humaine confinée dans un prénom, le Marcel qui dit avoir déjà été jeune, c'est de la mémoire. Le Marcel qui cherche réincarnation, le Marcel qui dit hier j'ai trop bu, c'est faux. Il y a dans des mémoires présentes, il y a du passé, qui, dans un quelqu'un qui vit, qui supporte un corps physique, qui était baptisé Marcel avec un égo de Marcel qui a trop bu, mais c'est pas lui. Et ce personnage-là, s'il conscientise l'idée il est, c'est tout, il est libre de l'influence du prénom. Regarde ceci. Toi et moi, on s'astine et on s'engueule. Comme d'habitude. Je sais pas dans quelle vie, en tout cas. Et par la suite, mon mental, supérieur au tien. Bon. Comme d'habitude. Ah bon. Préconise que la chicane est un illogisme total, une stupidité, une aberration, une imbécilité. Alors je me dis, bon ben alors je vais aller voir Charles, puis je vais lui dire que là, ben il faut plus compter, oublions ça. Alors je te vois sortir de l'ascenseur, et je dis, et là mon ego va dire, j'ai peur d'y parler. Non, c'est parce que mon intelligence ne veut pas employer le maudit mot Charles. Parce que Charles, c'est la bête noire avec qui la bête noire s'est engueulée. Et là, finalement, l'intelligence baisse un peu, il va dire, Charles, il y a quasiment du reproche. Et là, Charles, l'animal humain, il se retourne. Puis même si son mental voulait avoir la paix avec, maintenant je viens d'aller chercher le Charles. Et ça va être... Oui. Qu'est-ce que tu veux? Pas ça que tu voulais dire. Oui, la voix est pas bonne. C'est pas oui. Oui. Puis si tu mets Daniel, t'es fait. La meilleure chose, ça va être « Allô, Bien plus facile à dire que Charles. Tu sais, hier, là, j'étais pas mal idiot, puis je me sens qu'on oublie ça. Tu vas dire, ouais, moi avec, aucun problème. Mais mets pas les prénoms. Alors, l'influence du prénom, elle est majoritaire à l'instant où on parle de conscientisation. Si on vient planter le prénom, on se bloque. Donc, on sort toutes les mémoires de l'événement qui a provoqué les chicanes. C'est exactement la même chose que de dire. Tu sais, ta mère, là, elle boit. Il y a du jus aux cartes. Ton père, je l'ai vu au bordel. À quoi on joue? Quand on veut parler d'énergiser, on parle de conscience, on parle de libération. Je suis écœuré d'être écœuré. Viens pas foutre le prénom, c'est comme vouloir jouer aux cartes en s'insultant mutuellement régulièrement. Mais voyons donc, Charles, prends pas ça comme ça. C'est le mental qui voit clair. Puis tu es au mental de devenir Charles et de prendre ça comme Charles a toujours pris ça. Mais tu forces l'intelligence à s'abaisser au niveau de l'ego. Pour être capable de communiquer par le canal qui est Charles. Tout le temps. Tu vas, c'est un exemple que je donne, mais qui est extrêmement vivant pour bien des gens, tu vas sur le mortuaire, puis tu pleures pas. Il y a le rectificateur de pensée qui fait que tu vois la chose plus comme elle est que comme tu as été instruit, bâti à la voir. Et quelqu'un vient te voir, il va dire, ça te touche pas. Tu réponds, non. Mais tu l'aimais pas. Oui, je l'aime encore. Voyons donc, Charles, niaise-moi pas. Là, tu viens de me baisser en vibration si je m'appelle Charles. Là, ça va être... Non, mais c'est parce que tu comprends pas. Mais là, je suis déjà en train de perdre mon rectificateur de pensée. Tu m'assujettis à mon prénom. Tu me nuis. Si je suis extrêmement bas, bien déprimé, là, sur le bord du suicide, et c'est nouveau chez moi, peut-être que là, en disant, voyons donc, Charles, t'es pas le même habituellement. Tu me forces à redevenir le Charles d'ordinaire. Mais ça fait 5 ans que je suis suicidaire. Mais voyons donc, Charles, réveille-toi! Oui. Depuis tantôt, j'ai un exemple qui me dérange, là, je vais te dire. Si Charles est un automobile, l'intelligence supramentale est un moteur de jet qui vient se poser sur l'automobile. Quand j'utilise le mot Charles, c'est comme si je connectais le moteur de jet, que j'essayais d'utiliser l'automobile, le moteur de jet, mais avec... L'embarras.